Bonjour toutes et tous, nous sommes au Festival Archipel, nous sommes vendredi. Je vais parler un petit peu plus fort. Donc l'émission Archiradio a commencé, donc nous sommes en ligne, nous sommes très heureux et heureux de vous retrouver pour ce concert de midi qui est un concert de fin de workshop, à savoir que les étudiantes et étudiants de la Haute École de Musique de Genève ont travaillé 3 matinées sur le système de l'ambisonic qui est installé ici dans notre salon d'écoute. Donc ce système de haut-parleur que j'ai... Qu'ai-je donc dit ? J'ai dit ambisonic. J'ai l'habitude de l'ambisonic. En fait, nous sommes dans un acousmonium. L'ambisonic, c'est terminé. Ok. Merci, Louis. Donc, Louis Nahan, qui est à côté de moi et qui peut-être va dire 2-3 mots sur ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Et puis ensuite, nous laisserons, de ce que j'ai compris, chaque étudiant se présenter et puis peut-être dire 3 mots sur l'œuvre qu'ils vont diffuser. Merci Denis. Alors je me suis permis de reprendre. C'est vrai qu'il fait sombre ici dans l'acousmonium de la salle Pitof. Très très bel acousmonium que Thierry Simoneau et Olga Kokcharova nous ont préparé pour ce workshop qui s'est super bien déroulé et qui était très très instructif et très positif pour tout pour le travail sur l'espace. Alors effectivement, il y avait l'ambisonic pour d'autres concerts. Il y a un système plus homogène de haut-parleurs et ici c'est très très hétérogène, donc ce qui donne une richesse superbe dont on a pu bien profiter pendant ces 3 jours, donc nous sommes très très contents. C'est un travail que l'on présente aujourd'hui qui est le travail de 5 des étudiants de la Haute École de Musique qui sont dans les parcours de composition et de composition mixte et multimédia. Donc ce sont des pièces qu'ils font en même temps qu'ils font d'autres pièces pour instruments électroniques parfois, ou des instruments seuls, ou de la vidéo et de l'électronique pour certains cas. Donc c'est un cas particulier, musique acousmatique, et qu'il nous plaît vraiment beaucoup et qu'on est très content de pouvoir montrer aujourd'hui. J'ai envie de dire ce soir parce qu'il fait sombre ici, mais c'est ce midi. J'ai une petite question naïve, mais les supports qui ont été utilisés par les étudiants, il s'agit de multipistes, il s'agit de fichiers stéréo. Dans quelle configuration on est ? En fait, là, nous sommes dans une configuration de multi-haut-parleurs, parce qu'il y a, je ne sais pas le nombre, mais un très, très grand nombre de haut-parleurs, mais tous les fichiers sont encodés en stéréo. Donc, c'est de la stéréo, et ce que vous entendrez à la radio, c'est le fichier que les compositeurs ont travaillé en studio, donc ils ont façonné et peaufiné en studio. Et ce qu'ils feront aujourd'hui dans l'acousmonium, j'espère que ça donne envie à ceux qui sont à la radio de venir écouter les autres jours à ce salon d'écoute, et, ce lieu magnifique, ça donne une interprétation de l'espace. C'est ça qui se passe, en fait. Alors, c'est parfaitement clair. Du coup, sans plus attendre, je ne sais pas qui commence. Ah voilà, la personne est à la console, donc du coup, je lui amène le micro et je lui passe la parole. Je vais juste rajouter une petite chose. Vraiment, les places idéales pour celui-là, c'est de se reculer un petit peu et de se mettre contre les assises, soit ici, soit au milieu, soit devant, mais de ne pas s'approcher trop près du plateau, sinon ça va être un peu déséquilibré pour vous. C'est mieux si vous pouvez reculer un petit peu. Bonjour, moi c'est Jorge, étudiant de l'HEM. La pièce s'appelle Masquage. Thank you. Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct, de 10h à midi, sur archipel.org. Bonjour, moi c'est Manuela Guerra. Bonjour, moi c'est Manuela Guerra et ma pièce s'appelle Trilogie de Contact. suivante, c'est Evelyne. Evelyne. Oui. Ok, Evelyne. Bonjour à toutes et à tous. Il faut que là, il est OK de la radio en dessous. C'est un peu laborieux, notre synchronisation avec la radio, mais c'est comme ça, il faut prendre le temps. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Evelyne Frosini, compositrice argentine. Et maintenant, je vais jouer ma pièce « Samoa ». Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org. Quand tu feras l'annonce au micro, essaie de parler assez fort comme ça, on t'entend aussi dans la salle, mais attends un instant que quelqu'un te dise. Quand tu feras ton présent, tu dis le nom de la pièce. Tu veux parler en anglais comme tu peux. Tu peux parler en anglais. Tu peux parler, comme... tu peux parler en espagnol. Dans la langue que tu souhaites. Hello, my name is Fernando Manacero. The piece that you're going to listen, it's called The Floppy Drive's Lament. It's a piece for ensemble Y Band from Basel. It's for voice with autotune, saxophone, electric guitar, sampler, and electronic drums. Well, hope you enjoy. Thank you. aussi. C'est Olga qui te dira quand tu peux commencer à parler. Okay. Toc. Bonjour, je m'appelle Sir. Oui. Je vais attendre un peu. C'est bon pour le mic? Bonjour, je m'appelle Sergueï. Le titre de ma pièce est Willow Wisp. Ça vient de folklore Angleterre. Et c'est une lumière fantôme atmosphérique vue par les voyageurs de la nuit, pardon, et particulière sous les tombières ou des marais. Et en fait, franchement, je trouve que cette petite installation qu'on a sur la scène correspond très bien à ma pièce, parce que, en fait, ça, oui, ça fait des petites lumières, et ça montre assez proche de ce que je voulais décrire dans ma pièce. Ah oui, sur la scène, on a des petites pièces de verre qui fait un jeu avec la lumière qu'on a sur la scène, oui, et ça bouge. Voilà. Thank you. Archi Radio. Archi Doux. Archi Cool. Un moment. La radio du festival Archipel. Ah, c'est vrai, je pourrais aller devant la scène. En direct. Le concert est terminé. C'est, je vous vois nombreuses et nombreux ici, c'est génial. On a passé une heure, c'est une petite heure, je ne sais pas exactement quelle heure il est, mais en tout cas les pièces étaient... Moi je les découvre maintenant, je ne les avais pas entendues pendant le workshop, mais elles sont toutes... En fait, moi j'ai passé un merveilleux moment, en tout cas, j'espère que vous aussi. Et puis, y a-t-il des questions encore? Je crois que... Est-ce qu'il nous reste quelques minutes? Il nous reste quelques minutes, donc peut-être soit Louis, soit Michael, vous voulez dire quelque chose, soit les étudiantes, soit un commentaire. Non. Alors je passe le micro à Thierry qui va nous dire un petit mot. Du coup, ouais, Thierry et Olga, pas loin, les papas, mamans de ce dispositif. Bah, très, très heureux d'avoir entendu des pièces aussi variées que ces cinq qu'on a entendues là. Et puis très heureux aussi de vous avoir... faire prendre forme à vos pièces avec ce dispositif. C'était vraiment chouette de voir comment ça a avancé pour vous, pour arriver jusqu'à à ces interprétations qu'on a entendues, avec finalement très peu de temps de travail sur le dispositif. Mais enfin, moi, je suis ravi. Je vous remercie beaucoup. Oui, pareil pour moi, je suis toujours émerveillée de voir en fait combien vite tout d'un coup, je pense qu'avec une sensation de plaisir comme ça, les pièces commencent à prendre forme dans l'espace. Et c'est vraiment, vraiment très satisfaisant en fait de voir ça. Et puis c'était très très beau les diffusions. Donc je vous félicite et merci beaucoup. Oui, alors il y a quelqu'un, voilà. Et est-ce que vous avez fait cette pièce expressément pour cet endroit ou vous avez fait la pièce et après vous l'avez présentée ici avec cette lumière, ces miroirs? J'essaie de répondre à ça. Hop là. Donc le dispositif, l'orchestre de haut-parleur ou acousmonium, moi je l'ai pensé pour cet espace. Enfin, Yvonne Harder a fait une scénographie, elle a proposé qu'on se retrouve sur scène, ici, là où vous êtes, posé sur les sièges, sur ces praticables avec les coussins zébrés. À partir de ça, je me suis dit, ok, ben, je conçois un dispositif pour cet espace d'écoute, mais les étudiants de la HEM, eux, ont fabriqué leurs pièces en studio sans connaître l'existence de ce dispositif. Là, ils arrivent avec, il y a 3 jours, et puis ils doivent prendre possession, en fait, de cet instrument et faire entendre à l'intérieur. Il ne savait pas à l'avance que... Enfin, j'ai envoyé un plan il y a peut-être quoi, 2 semaines du dispositif qui est un bout de papier coloré assez effrayant où quand on regarde comme ça, dit voilà, c'est ça le dispositif, tu vois ça, tu as envie de partir en courant. Mais en fait, une fois qu'il commence à écouter petit à petit les possibilités, ça commence à s'éclaircir. Mais non, ce n'était pas prévu à l'avance pour ce dispositif. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. La question, c'est plutôt pour ce qu'on voit. Pour la... Ah, tu dis les bouts de verre suspendus. La radio, ça ? Oui. Oh. ma question, c'est plutôt pour la scénographie qu'on voit, pour les lumières, pour les petits miroirs qui sont là, qui font des réflexes et tout ça. Bah, comme a dit Thierry, c'est Yvonne Harder qui... Et Luc, son collègue, qui ont travaillé sur la scénographie d'ailleurs dans plusieurs endroits archipel. Et donc, voilà, à chaque salon d'écoute, ils font une nouvelle proposition. L'année passée, on était dans l'autre sens, avec le public sur la scène, avec l'acousmonium dans la salle, avec une autre scénographie visuelle et aussi un autre dispositif. Et puis cette année, c'est cette proposition-là. Mais Yvonne, elle n'est pas là. Yvonne n'est pas là, Luc non plus. Et Luc non plus. Et puis là, il marche franchement assez bien, je trouve. Je pense que l'année prochaine, on va repartir avec cette base, parce que je trouve qu'il sonne vraiment pas mal. Bon, voilà. Oui, pour conclure, je rappelle que cet endroit, c'est un outil formidable, c'est un outil qui permet qui a un nombre de possibles évidemment infini. Et du coup, je vous enjoins évidemment toutes et tous à venir à continuer à utiliser cet espace cette fin de semaine, soit à midi, soit le soir, tous les soirs à 22h30. Un concert est organisé. Voilà, nous rendons l'antenne. Merci encore et bonne journée. Archi bon. Archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archi gros. .org.